Mes chers bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Je vous dis bonjour déjà au passage. Et voilà, je vais faire une petite exhortation ici. C'est des choses que vous connaissez. Vous savez que nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que nous avons un témoignage, un comportement, un message à apporter aux personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous avons des collègues de travail, des membres de nos familles, et nous avons des amis qui n'ont pas Jésus. Et Dieu a les regards sur nous, parce que nous sommes le sel de la terre. Je voudrais que tu saches, toi qui m'écoutes, que on prêche l'évangile en parole et en acte. Donc, tu prêches l'évangile par ton comportement. Tu prêches l'évangile aux païens par ton témoignage. La Bible dit dans le livre de Timothée qu'il y a des femmes qui ont gagné leur mari au Seigneur par leur témoignage. C'est-à-dire, ce n'était pas des femmes chéries, tu sais la Bible. Non, non, non. C'est-à-dire que l'homme a regardé. Il a vu que, oh, ma femme a changé. C'est pas possible. Depuis qu'elle fréquente l'église. Mais elle n'est plus la même. La Bible dit qu'il y a des femmes mariées qui ont gagné leur mari au Seigneur Jésus par leur témoignage. Ton mari te connaît, il te connaît, il connaît sa femme. Et puis du coup, tu es en Jésus, il voit la différence. Vous savez, il y a des hommes orgueilleux. Parfois, il ne te le dira pas, il ne te dira pas, chérie, tu as changé. Mais quand il est seul, hein, il réfléchit, il dit, mais ma femme, c'est bizarre. Ma femme a changé. Et il y a des femmes qui ont gagné leur mari à Jésus par leur témoignage. Donc tu n'es pas obligé, vous êtes au lit, vous êtes au salon, de dire, tu sais chérie, Jésus, non. Ton témoignage parle plus que tes paroles. Le témoignage, ça a de la puissance. Le témoignage convainc. Il y avait des gens qui disaient, mais je crois que Jésus est le Fils de Dieu parce que Jésus avait un témoignage correct. Ils étaient touchés par les actes et le témoignage de Jésus. C'est ça qui les avait frappés. Donc, ton témoignage, tu prêches l'évangile au milieu de tes amis par ton témoignage. Quand tu es au lycée, jeune homme, tu es en Christ, ton témoignage doit toucher tes amis. Ils doivent voir la différence entre leur façon de parler et toi. On prêche aussi l'évangile par notre comportement. On prêche aussi l'évangile par notre témoignage. Beaucoup ne le savent pas. Je me souviens de cet homme, un homme d'affaires. Il était venu à l'église. Il a demandé, j'ai envie de faire un témoignage. Moi, je suis catholique. Mais je ne viendrai pas dans votre église ici. Mais je suis venu remercier le pasteur de cette église. Parce que j'ai remarqué que mes deux filles aînées, parce que ce monsieur a deux filles, deux enfants, elles étaient beaucoup boîtes de nuit et les copains. Mais j'ai remarqué que depuis que mes filles prient ici, il n'y a plus de copains, il n'y a plus de boîte de nuit. Donc, je suis venu remercier le Père. On lui a dit, remercie Jésus. C'est Jésus qui transforme. C'est parce que tes filles ont reçu Jésus, c'est Jésus qui fait ce boulot dans leur vie. Il est venu juste pour ça. C'était un païen, un religieux. Mais c'est le témoignage de ses filles qui l'ont touché. Lui et sa femme ont observé et il a dit, mais chérie, tu as remarqué que nos filles ont changé depuis qu'elles prient là, depuis qu'elles lisent la Bible. Ton témoignage, mon frère, ma soeur, ton témoignage, ma soeur, toi qui es mariée, le témoignage parle, le témoignage convainc. Parce que c'est bien beau, tu as d'avoir la Bible et de prêcher. C'est bien beau de venir à l'église. C'est la raison pour laquelle vous allez voir certains chrétiens qui n'amènent, ils n'arrivent même pas à gagner une âme à Christ. Tu n'arrives même pas à gagner un de tes copains, un de tes amis, de tes frères. Tu n'arrives pas à les gagner à Jésus, pour Jésus. Peut-être c'est ton témoignage qui bloque. Ton comportement, ça peut bloquer. C'est pourquoi nous devons faire attention. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 4, je vais lire à partir du verset 5. Voici ce que dit la parole de Dieu. « conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, car votre parole, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le chrétien ne parle pas comme un moteur. La Bible dit, fais attention que ta parole, ce qui sort de ta bouche, quand tu es au milieu de tes amis là, que cela soit accompagné de grâce, assaisonné de sel. Ta bouche, ce n'est pas une poubelle. Les impuretés qui sortent de la bouche de tes amis, de tes copains du lycée là, toi tu ne dois pas parler comme ça. Si tes collègues de travail, pendant les heures de pause, ils parlent d'abomination et tout, non, ta bouche doit être pure. Parce que c'est une bouche qui bénit Dieu. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Au milieu de ta famille, quand il y a réunion de famille, quand tu prends la parole, ça doit toucher tes frères et sœurs. Tu ne dois pas prononcer les pourritures des païens, des grossièretés, des gros mots, comme des païens. Ta bouche n'est pas une poubelle. Ton témoignage, ta façon de parler, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un athée, tu n'es pas un païen, tu es enfant de Dieu. Il faut qu'il y ait la différence entre ta façon de parler et ton collègue du lycée là. Il doit y avoir une différence parce que toi tu es de la lumière, lui il est des ténèbres, tu es de Dieu, lui il est du monde. Vous n'avez pas un même père. Ton père c'est l'Éternel et ton père t'a laissé sa parole. C'est sa parole qui t'enseigne, qui t'éduque, qui te conduit, qui t'éclaire. Conduisez-vous avec sagesse. Madame, ma soeur, tu es mariée, ton mari est païen, avec sagesse. S'il ne veut pas écouter ce que tu lui dis quand tu lui prêches l'évangile, prêche-lui l'évangile par ton témoignage. La Bible dit dans Timothée, il y a des femmes mariées qui ont gagné leur mari à Jésus par leur témoignage. Comporte-toi dans le ménage comme une chrétienne. Applique la parole de Dieu dans ton couple. Applique ça. Fais à manger à ton mari. Occupe-toi de ton mari. Manifeste de l'amour vis-à-vis de ton mari comme la Bible le dit. Quand vous partez dans la chambre, ne lui tourne pas le dos. La Bible dit ton corps là, c'est à lui. Applique ça dans la chambre. C'est pourquoi la Bible dit, dans Jacques chapitre 1, au verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Tu peux demander à Dieu de la sagesse? Tu as droit, tu as droit. La Bible dit, demande à Dieu. Dieu est ton Père. Dieu a dit, demandez et on vous donnera. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Je suis marié. Seigneur, mon mari est comme ça. C'est quelqu'un qui a la tête dure. Il est comme ça. Il a un mauvais comportement, un mauvais caractère. Mais donne-moi la sagesse pour que je sache comment marcher avec lui. Oh, Seigneur, mes parents sont comme s'ils sont durs, difficiles. Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je sache comment me comporter, comment parler à mes parents. C'est Dieu qui donne la sagesse. Et tu auras la sagesse et tu vas étonner. Tes parents seront étonnés. Oh, mon fils a changé. Ma fille a changé. Il faut que tu saches que nous prêchons l'évangile par les paroles et par les actes. Ton témoignage peut bloquer ton évangile. Ton témoignage. Si tu as un témoignage pourri, tu vas prêcher l'évangile à qui? Si tu vas dans les boîtes de nuit, qu'est-ce que tu vas dire aux païens? Si tu fumes la cigarette en cachette, le païen, ton ami païen là, il te voit fumer. Parce qu'il y a des gens comme ça. Devant les chrétiens, il joue le chrétien. Il ne touche pas à la cigarette, il touche à l'alcool. Mais quand il est avec ses amis païens, il boit, il fume. Comment tu peux les gagner à Christ? Ton évangile n'aura même pas de sens. Ils ne vont pas considérer ça parce que ton témoignage ne cadre pas avec l'évangile. C'est pourquoi la Bible dit, si tu manques de sagesse, demande la sagesse à Dieu. C'est pourquoi beaucoup sont stériles. Ils n'ont jamais amené une âme à Christ. Ils prêchent l'évangile, rien. Tu vas voir certains chrétiens, tous ses potes sont des païens. Il n'a même pas encore réussi à amener une seule personne à Jésus. C'est parce que ton témoignage. Parce que quand tu vas avoir un témoignage digne d'enfant de Dieu, ils seront touchés. Je vais vous faire mon témoignage. Je faisais une formation au sud de Paris. Dans la formation, on était deux blacks, moi et un Guadeloupéen. Et aux heures de pause, le gars, il ne parlait que de femmes. Mais comme on était deux blacks, donc on était ensemble. Aux heures de pause, oh tu vois la fille là, qu'est-ce qu'elle a de jolies formes. Il n'y avait que ça. Et moi j'avais ma Bible. Il me disait, mais arrête, toi aussi il faut vivre, c'est quoi ça hein? Tu es prêtre ou quoi? On se prenait la tête. Et puis il m'a dit, Dieu me dit que tu ne couches pas avec les femmes. Je lui ai dit, moi je suis dans la sanctification. C'était en 2000, l'année 2000. Jusqu'au jour où cet homme, voyant mon témoignage, il m'a dit, bon, dis-moi, ton Dieu là, tu pries ou tu es catholique? Et je lui ai prêché Jésus les yeux dans les yeux. Mais je peux vous dire que lorsque je lui parlais de Jésus, il ne pouvait pas dire un mot. Il m'a dit, Teddy, toi tu me convaincs. Mais tu sais, à Saint-Denis, il y a une chrétienne qui me prêchait l'évangile tout le temps. Mais je l'ai draguée, je couchais avec elle. Elle était à l'église, moi je n'étais pas à l'église, mais je couchais avec elle et elle me prêchait l'évangile. Mais toi, c'est différent parce que ton témoignage fait que je te prends au sérieux. Ce qui a convaincu le Guadeloupéen, c'est mon témoignage. Il dit, la fille qui me parlait de Jésus, là, elle habite à la Courneuve. Et je couchais avec elle à Saint-Denis. Il peut-être me parler de Jésus, tu sais, Jésus, mais... Mais toi, c'est ton témoignage qui m'a touché. Parce que ça fait quand même 9 mois qu'on est ici en formation, je ne te vois pas parler de femme. C'est mon témoignage qui l'avait touché. Beaucoup de personnes l'avaient prêché Jésus avant, puisqu'il me l'a dit. Et cet homme aujourd'hui est dans le Seigneur. C'est mon témoignage. Le témoignage, ton témoignage peut prêcher l'évangile aux gens, même si tu ne dis rien. Si ton témoignage les touche, ils vont s'approcher de toi. J'ai vu dans une église une jeune femme qui est venue témoigner. Je suis venu accepter Jésus ici parce qu'il y a un gars qui prie ici, dans cette assemblée, qui m'a touché. Ce garçon gère une boutique. Je suis allé là plusieurs fois. Je m'habille, je me maquille pour aller le séduire parce que je me suis dit, si je sors avec le gars là, c'est moi qui va gérer la caisse là. L'argent là, ça va être pour moi. Il dit, j'allais, je prends un jus de fruit, je passe 2 heures à tourner le comptoir. Pour moi, c'était juste pour le séduire. Je voulais qu'il tombe dans le panneau, comme ça, j'aurais l'argent. J'ai fait ça, chaque fois que je fais ça, lui me prêche que Jésus, il me parle que de Jésus. Il avait toujours sa Bible ouverte. Elle dit, ça m'agaçait. Moi, je voulais qu'on parle d'autres sujets. À chaque fois que je voulais parler d'autres choses, des artistes, des boîtes de nuit, du sexe, des copains, lui me ramenait toujours la Bible dit. Il dit, ça m'énervait. Et quand j'ai vu ça, des mois et des mois, je lui ai dit, tu pries dans quelle assemblée? Et la fille là a dit, c'est pourquoi vous me voyez ici. Il m'a convaincu par son témoignage. Il y a des vrais enfants de Dieu ici. Tout le monde a applaudi. Bien-aimée, ma soeur, voilà une païenne qui est venue à Jésus parce que le témoignage d'un garçon, qui ne vivait pas dans la fornication. Parce que si ce garçon, moi j'étais à l'église quand cette femme avait témoigné, une belle, une beauté. Le gars a résisté à ça. Il dit, ce garçon ne me parle que de Jésus. Et elle a été touchée par le témoignage du gars. Oui, toi qui m'écoutes, la Bible dit qu'il y a des femmes qui ont gagné leur mari à Christ par leur témoignage. C'est dans Timothée. Oui, mon frère, tu es au lycée, tu es à l'université, tu as des collègues de travail. Ton témoignage parle. Le témoignage parle. ton témoignage doit toucher les gens. Parce que si ton témoignage va à gauche et la parole que tu prêches va à droite, les gens vont dire, ah, il nous parle de Jésus, Jésus, quand on regarde, mais il fait les mêmes choses que nous. Il se comporte comme nous, il parle comme nous, on a les mêmes sujets de discussion, il nous parle de quoi? Quand tu ne vis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas gagner des âmes à Christ, tu ne peux pas. Parce que les gens ne voient pas la différence. C'est très important. C'est pourquoi beaucoup sont stériles. Ils n'ont jamais gagné une âme à Christ. Rien. Parce que ton témoignage peut bloquer. La Bible dit, si tu n'as pas la sagesse, demande la sagesse à Dieu. Dieu la donne à quiconque demande. C'est gratuit, ce n'est pas payant. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Pourquoi nous avons besoin de sagesse? Parce que quand nous avons la sagesse de Dieu, on ne peut pas tomber dans les pièges du diable ou les pièges des hommes. Il faut être sage. J'ai un ami, il était à une campagne d'évangélisation à Bordeaux. C'est un Américain qui avait prêché là-bas. Un pasteur américain, il paraît. Ce homme a dit, si vous êtes ici, marié, et que vous avez eu à faire des choses, ta femme ne le sait pas, ou bien ton mari ne le sait pas, je te conseille d'aller tout, aller lui dire tout. Parce que si tu ne dis rien, les mauvaises langues un jour lui diront tout dehors. Et cette personne dira, mais pourquoi ma femme m'a caché ça? Pourquoi mon mari m'avait caché ça? Il dit, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, il est mieux de prendre les devants, de faire asseoir ton mari ou ta femme, dire, écoute chérie, voilà ma vie. Voilà ma vie. Parce que si tu ne dis rien, Satan va pousser une mauvaise langue dehors de parler à ton mari ou à ta femme, de lui révéler ce que toi, tu ne lui as jamais dit. Mon ami rentre à la maison, il était 22h. Sa femme est une païenne. Elle ne croit pas en Dieu. Elle est à la maison. Je connais cette femme. Elle avait son chat. Son chat était comme son bébé. Tout le temps, son chat dans les bras. J'allais là-bas. Le gars rentre la nuit. Ça faisait 8 ans qu'ils étaient ensemble. 8 ans. Il s'aimait à la folie. Le gars arrive, chérie. Là où tu me vois, je vais tout te dire. La femme se réveille. La femme dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, ce n'est pas qu'il y a un problème, mais là où tu me vois là, quand tu me vois rentrer le soir à la maison, je dois te dire la vérité, chérie. Je suis coureur de jupons. J'ai au moins 3-4 copines. Donc quand tu me vois rentrer le soir, j'ai été tiré un coup. Ça se passe dans les hôtels. La femme dit quoi? Tu me trompes? Oui, chérie, je préfère tout te dire. Bien-aimé, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, cette femme, le lendemain, a commencé à faire ses valises. Elle est partie. Le frère m'a appelé, bien-aimé, prie pour moi. Voici ce qui se passe. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il faut avoir la sagesse. La Bible dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Envers ceux du dehors. Qui est du dehors? Les païens. Ils se sont séparés jusqu'à aujourd'hui. La femme dit maintenant, il paraît avec un Pakistanais. Séparation totale. Nous avons besoin de sagesse. Ô Seigneur, que toute la gloire te revienne. Il faut être sage. La Bible nous dit Lazare. Il fouillait les poubelles d'un homme riche. Lazare est allé au ciel. On ne peut pas aller au ciel si on n'a pas la foi. C'est qu'il avait la foi. Mais il mangeait dans la poubelle d'un homme riche. Je vous dis qu'il était mieux pour Lazare d'aller porter les cartons dans une entreprise, même s'il faut travailler dans la voirie, que d'aller fouiller dans les poubelles d'un homme riche. Parce que les hommes qui voyaient Lazare, écoutez, Lazare pouvait leur prêcher quel évangile? On le trouve dans une poubelle, en train de manger les restes. Les gens passent à côté. Et vous savez, Il faut donner vos vies à Jésus. Vous savez que quand vous donnez à Jésus, Jésus fait des miracles. Jésus va vous bénir. Il dit ça à côté d'une poubelle. Il est en train de manger. Donnez vos vies à Jésus. Mais les gens vont rigoler. Les gens vont se moquer. Les gens vont se moquer. On le voit. Oh, Lazare, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, tu fais quoi? Ah, je suis en train de prendre le pain là. Dans la poubelle, oui. Attends, il faut donner ta vie à Jésus. Hein? Je te le dis. Il faut donner ta vie à Jésus. C'est Jésus qui donne. Mais les gens vont se moquer. Ne restez, faut, n'acceptez pas des positions où Satan veut vous bloquer. Mon frère, si tu vis aux dépens de tes grandes sœurs, de ton nom, de ton grand frère, de tes parents, tu es déjà adulte. Ton évangile là risque d'avoir des problèmes. Parce que si toi tu dépends d'eux pour dormir ou pour manger la baguette de pain, ils risquent de rigoler. Oh, il nous fatigue. Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, il a quoi lui-même? Il a quoi? Il vit grâce à nous. Il vit grâce à nous. C'est pourquoi il faut travailler, mon frère. Il faut travailler. Il faut travailler. Peu importe le boulot. Il est mieux pour toi, même si tu gagnes le SMIC, que de vivre aux dépens. Parce que quand tu vas leur dire Jésus, Jésus, Jésus, je connais une sœur. Elle vivait dans la même maison que la grande sœur. C'est la grande sœur qui travaillait. Donc comme elle ne travaillait pas, elle était au lycée. Donc elle utilisait les crèmes et les parfums de la grande sœur, puisque la grande sœur travaille. Elle, elle était au lycée. Et puis comme elle prêchait l'évangile à ses amis et à la grande sœur lui dit, tu ne touches plus mes crèmes, ton Jésus là n'a qu'à t'acheter des crèmes. Je vais vous dire par là, je vais lire un passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 6. Nous vous recommandons, frères, écoutez bien, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Gloire à Dieu! Vous vous rendez compte de ce que Paul dit? On a mangé le pain de personne. On n'a rien demandé à qui que ce soit. Nous-mêmes, on a préféré travailler pour ne pas être en charge, un fardeau pour qui que ce soit. Paul peut leur parler les yeux dans les yeux. On va lui dire quoi? Il ne dépend pas d'eux. Il est autonome. Il est autonome. Il lui-même a préféré retrousser les manches et bosser. C'est l'apôtre Paul. C'est l'homme de Dieu. Il peut être fier de dire aux chrétiens de Thessalonique, on n'a été en charge à personne. On a préféré nous-mêmes bosser pour manger notre propre pain. C'est pourquoi ils peuvent être devant eux, leur parler les yeux dans les yeux. Parce que pour manger, ils ne dépendent pas d'eux. Mais quand tu dépends des gens, mon frère, y a des, tu seras bloqué même quand tu veux leur prêcher l'évangile. Tu te dis, oh, peut-être qu'il va s'énerver. Oh. Il va, mais si tu es autonome, tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Quand j'habitais chez mon père, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas lui parler. Parce qu'il était quelqu'un de... Il n'acceptait pas. D'accord? Mais quand j'ai été autonome, je suis allé chez lui. J'ai demandé, il est où? Il est dans la chambre. J'étais au salon, il m'a dit, mon fils, tu peux entrer. Je suis dans la chambre. Je suis rentré, j'ai parlé à mon père. Avec respect, bien sûr. Mais les yeux dans les yeux, pour lui parler de Jésus. Ah oui, parce que là, je ne dépends plus de lui. Il m'a dit, mon fils... Mais si j'étais encore là, celui qui paye la baguette de pain, je n'allais pas le faire. J'allais dire, oh, s'il se fâche, peut-être qu'il va me chasser de la maison. Mais comme j'étais déjà autonome, je pouvais lui parler de Jésus. Je n'ai rien à craindre, je suis déjà autonome, je n'habite plus chez lui. L'apôtre Paul dit ici, que nous, on a préféré travailler nous-mêmes pour manger notre pain, pour être, ne pas être en charge à qui que ce soit. Personne ne peut lever le petit doigt et dire que je lui ai demandé quoi que ce soit. On ne vous a rien demandé. C'est ce que Paul dit. C'est pourquoi Paul est fier, il peut parler. Ne reste pas dépendant de quelqu'un, ma soeur. Mon frère, cherche un boulot. Prie le Seigneur pour avoir le travail. Parce que ton évangile là, parce que tu dépends des gens pour manger, pour dormir, sera limité. Il y a des choses que tu ne pourras pas dire parce que tu crains que la personne s'énerve. Et comme toi, tu vis au dépens de la personne, c'est pourquoi il faut être autonome. Regardez ce que Paul a fait. Donc, conduisons-nous avec sagesse envers ceux du dehors. C'est ça la vérité. Tu aimes Jésus, mais tu vas en boîte de nuit avec les païens. Ça ne peut pas aller. Ton évangile là, ça ne donnera rien. Tu ne pourras pas gagner une âme. Annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que tu annonces doit être accompagnée d'un bon témoignage. Ça doit être accompagné d'un bon témoignage. Le témoignage doit aller avec entre ce que tu dis et ce que tu vis, ce que tu pratiques. Tout doit être parallèle, pas opposé. Tu dis autre chose, mais tu vis autrement. Ça ne donne rien. L'antier, elle m'a dit, la fille là que j'avais à Saint-Denis, elle me parlait de Jésus tout le temps quand on prenait le RER, le même train. Et puis je l'ai dragué, je l'ai eu. Donc son évangile là, je me suis dit c'est des histoires. Mais toi, ça fait 9 mois, je ne te vois pas parler de femme, pas de copine. C'est ton témoignage qui m'a touché. Il me l'a dit, un adulte. Ton témoignage doit toucher les personnes qui sont à côté de toi. Parce que ces personnes-là te connaissent. Ton mari te connaît. Dans Timothée, la Bible dit qu'il y a des femmes qui ont gagné leur mari à Christ par leur témoignage. Tu lis la Bible. Tous les dimanches, tu vas à l'église. Mais avec ton mari, tu n'appliques pas la parole de Dieu dans ton ménage. Comment veux-tu que ton mari croie à ce que tu fais? Ton mari te connaît, donc il va regarder le témoignage. Quand il est seul dans la voiture ou bien quand il est seul à la maison, il va dire, oh, depuis que ma femme prie là, je vois la différence. C'est ça qui va toucher ton mari, ton témoignage. Ce n'est pas la parole, gna gna gna gna gna, et tu ne vis pas, tu n'appliques pas la parole de Dieu dans la maison. Applique la parole dans ton ménage. C'est ça. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne font pas attention à leur conduite. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Rachetez le temps. Que votre parole soit toujours, toujours, hein, la Bible dit toujours, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On ne parle pas comme ça. La bouche d'un chrétien, c'est sacré. Ça doit être pur. Les impuretés des païens, ça ne doit pas sortir ici. Les abominations. Vous avez écouté comment dirais-je, ce que les païens racontent? Je me souviens à l'entreprise, quand nous avons une petite pause, je suis là en bas à côté des distributeurs de café. Je mets ma pièce, j'ai mon petit café. Eux aussi, ils ont leur café, mais il faut entendre ce qu'ils racontent. Que de la pourriture! Ça ne tourne que sur le sexe. La pourriture! Mais toi, tu n'as pas à mettre ta bouche dedans. Parce que si toi, tu fais comme eux, tu ne vas pas gagner. Tu vas gagner qui à Christ? Tu as gagné combien d'âmes au Seigneur? Combien? Personne. Parce que ton témoignage est pourri. Parce que ton témoignage n'est pas le témoignage d'un chrétien. C'est pourquoi l'évangile que tu prêches est stérile. Tu ne peux pas gagner quelqu'un. Ton mari ne vient pas à l'église, mais quel est ton témoignage à la maison? Est-ce que tu appliques la parole de Dieu dans ton foyer? Il faut que vous sachiez que l'évangile que tu prêches doit aller ensemble avec ton témoignage. C'est pourquoi Jésus-Christ était efficace, parce que la vérité sortait de sa bouche et il n'y avait rien à lui reprocher. Un témoignage nickel. C'est ce que le monde cherche. Le monde cherche le témoignage. Regardez dans le monde, il n'y a pas de modèle. Quand vous essayez un peu de gratter dans la vie privée des stars, c'est la pourriture des stars. Lisez les informations des obsédés sexuels. Ils violent les femmes. Que de la pourriture. Lisez les infos sur les stars, sur les grands hommes politiques du monde. Oh, il a violé tel. Oh, il trompe sa femme avec tel. Que de la pourriture. Il n'y a pas de modèle. Oh, il a détourné l'argent. Il sortait avec une petite fille. Il trompait sa femme avec telle fille. Il n'y a pas de modèle. Le monde est à la recherche des modèles. La Bible dit quoi dans le livre de Romains 8? Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu, pas des fils du monde. Le monde n'attend pas la révélation des païens, mais des fils de Dieu. Parce que c'est nous le sel de la terre. Le monde veut voir. Nous parlons de Jésus. Ils veulent voir si on est différent d'eux. Si on est différent. Est-ce que tu es différent de tes amis? Toi, jeune homme qui croit en Jésus. Est-ce que tu es différent de tes potes du quartier là? Ma soeur, tu es à tes copines là. Est-ce que tu es différent? Ou bien tu fais comme elle aussi? Le monde attend. Le monde veut voir, Romains chapitre 8, le monde veut voir la différence entre nous et les païens. Le monde veut voir. C'est pas Jésus, je suis chrétien, je m'en vais à la messe dimanche, je m'en vais. Ça, c'est rien ça. Mais le monde veut voir la différence. Eux sont des athées, toi tu es enfant de Dieu. Quel est ton témoignage? Si on prend ton témoignage, on met sur la balance, leur témoignage sur la balance. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que la seule différence entre toi et tes copines ou tes amis, c'est juste parce que dimanche, eux restent à la maison, mais toi, tu vas à la messe? C'est tout. Mais au niveau du comportement au quartier et du témoignage, vous êtes pareil. Mais tu es un païen. Tu es un païen, tu es un loup qui porte seulement la veste de chrétien ou chrétienne. Ce n'est qu'un manteau. Parce que le vrai chrétien, on le voit en parole et en acte. C'est ça le vrai chrétien ou la vraie chrétienne. Donc j'étais en train de te dire que c'est ce que Dieu attend de nous. Parce que c'est nous. Jésus-Christ n'est plus là. Mais nous sommes des ambassadeurs. Pour Christ, nous sommes des ambassadeurs. C'est-à-dire nous représentons Jésus. Si tu es chrétien dans ta famille, tu es l'ambassadeur de Christ. Dans ta famille, au milieu de tes copains, copines du lycée, tu es l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Oui, tu représentes Jésus au milieu de tes amis là. Tu représentes Jésus dans ta famille, c'est toi l'ambassadeur. Tu représentes Christ. Et si tu représentes Christ dans ton foyer, dans ton ménage, mais vis, imite Christ. L'apôtre Paul disait, moi j'imite Jésus. Comporte-toi. Parce que tu représentes quelqu'un de valeur. Tu représentes quelqu'un qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu représentes le Dieu Tout-Puissant. Tu dois être différent des autres. Tu es ambassadeur. Tu as un témoignage à défendre. Tu as un nom à défendre. Tu as un nom à défendre. Tu défends le nom de Jésus. Je suis l'ambassadeur ou l'ambassadrice de Jésus. Je défends son image. Je défends son nom. Donc je dois avoir un bon témoignage. Parce que je suis l'ambassadeur de Christ. Les gens ne voient pas Christ, mais à travers moi, ils doivent voir Christ. À travers moi, ils doivent voir Christ parce que je suis moi son ambassadeur. C'est moi qui le représente dans ma famille. C'est moi qui représente Christ dans mon foyer. C'est moi qui représente Christ dans mon lycée. C'est moi qui représente Christ dans mon entreprise. Je suis son ambassadeur. On doit voir Christ en moi. Les gens, eux, ne voient pas Christ. Christ est parti au ciel. Mais je suis son ambassadeur sur terre. C'est à travers moi que les gens verront Christ. C'est à travers moi que les gens vont entendre, écouter la parole de Christ. Je suis son représentant dans ma famille. Je suis son représentant dans mon entreprise. Je suis son représentant là où je travaille à l'université. Je suis l'ambassadeur de Christ. Pas de n'importe qui. De Christ, le Fils de Dieu. C'est moi qui le représente. Donc je ne peux pas faire n'importe comment. Parce que je représente quelqu'un de précieux. J'ai intérêt à soigner mon image. J'ai intérêt à soigner ma parole, ce que je dis. Parce parce que je représente une personne de valeur. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je suis l'ambassadeur du Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas n'importe qui. Et je ne peux pas me comporter comme des païens. C'est moi qui représente Jésus dans ma famille. C'est moi qui représente Jésus dans mon lycée. L'ambassadeur de Christ. Christ Jésus compte sur toi. Lui, il est là-bas assis sur son trône. Il compte sur toi. Tu es son représentant, son ambassadeur. Ici sur terre. Et chaque ambassadeur va rendre compte à son roi. Tu vas rendre compte, tu es ambassadeur, tu vas rendre compte de ce que tu as fait. Tu vas rendre compte à Christ. Tu vas rendre compte. La Bible parle du tribunal de Christ où nous allons rendre compte, où chacun va faire le bilan. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est là où Christ va dire, toi, tu n'as rien foutu. Zéro, tu ne mérites pas le ciel. Chacun va faire le bilan. Tu as gagné combien d'âmes à Christ? Est-ce que tu avais un bon témoignage? Est-ce que par ton témoignage, tu m'as honoré? Est-ce que tu m'as honoré? Parce que ton témoignage doit honorer celui qui t'a établi ambassadeur. Nous allons rendre compte à Dieu au tribunal de Christ. La Bible dit au tribunal de Christ. Ce serait le bilan. Chacun va faire le bilan. Tu peux faire sur terre ici ce que tu veux. Mais tu es son ambassadeur. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de son appel. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu auras des comptes à rendre. Tu as gagné combien d'âmes pour moi? Quel était ton témoignage? Est-ce que ton témoignage m'a honoré? Parce que la Bible dit quoi? Le nom de Dieu parmi les païens est blasphémé. À cause de notre mauvais témoignage. Est-ce que ton témoignage a honoré Jésus ou bien a amené les païens à blasphémer Dieu? Tu auras des comptes à rendre dans ton ménage là. Tu auras des comptes à rendre. Jésus va te dire, ok ma fille, tu t'es mariée. Est-ce que tu m'as honoré dans ton couple? Parce que c'est ce que j'attendais de toi. Mon fils, tu étais marié. Est-ce que tu m'as honoré? Tu es mon ambassadeur. Ton témoignage doit m'honorer. C'est très important. Nous allons rendre compte à Dieu au tribunal de Christ. Cela, ce serait là le jour du bilan. Le bilan, chacun va faire un bilan. Devant Jésus et devant les anges de Dieu qui sont à côté de nous, jour et nuit, qui enregistrent tout ce que nous faisons. Tout ce que tu fais est enregistré. Tu iras avec ça là-bas. Il y aura un bilan, il y aura des récompenses au tribunal de Christ. Et c'est là aussi qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce qu'il y a des personnes qui seront disqualifiées. Jésus a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les gens vont pleurer parce qu'ils seront disqualifiés. Tu étais mon ambassadeur. Regarde comment tu te comportais. Ton témoignage là ne m'a pas honoré. Tu ne mérites pas la maison de mon père. Retire-toi de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Toi qui m'écoutes, tu es enfant de Dieu, tu es ambassadeur, tu es ambassadeur. Réalise-le et tu auras des comptes à rendre. Comporte-toi bien, comporte-toi. Tu es dans ta famille. Si tu es l'ambassadeur, le représentant de Christ dans ta famille, tu dois l'honorer par ton comportement et par tes paroles. Tu es son ambassadeur. Il compte sur toi parce que tu auras des comptes à rendre. Jésus, je vais terminer par une parole de Jésus. C'est très très important ce que je vais dire. Jésus Christ a dit, personne sur terre ne peut venir à lui. Personne si son père n'attire cette personne. Jésus dit, c'est impossible. Nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il faut que tu saches que si tu es en Jésus, c'est son Père qui t'a poussé vers Jésus. Parce que Jésus dit, ça ne peut pas venir de l'homme lui-même. On est d'accord? Ça veut dire que Dieu t'a choisi comme ambassadeur sur terre pour représenter son Fils. Et tu auras des comptes à rendre. Soit Jésus va te dire, entre dans la joie de ton maître, ou bien retire-toi de moi, vous qui commettez l'iniquité. Que Dieu te bénisse.